Vous voulez vous payer une bonne bouffe et vous avez peu de temps à votre disposition? Le restaurant Midas est l'endroit idéal pour vous, avec la pizza et l'excellent poulet frit qui font le délice de tous et qui sont offerts dans un délai rapide avec le sourire. Le restaurant Midas, 1084 route 169, Saint-Félicien, 418-679-0900. Visitez notre page Facebook pour voir nos différentes promotions. Le propriétaire Danny Potvin et toute son équipe félicitent Marianne Saint-Gelais et Cassandra Bradette pour leur participation aux Jeux Olympiques de Pyeongchang. Vous pensez que Canadian Tire, ce sont les outils ou la quincaillerie? Mais on a aussi une multitude d'équipements sportifs offerts à très bas prix. Surveillez notre circulaire tous les jeudis pour en savoir davantage. Canadian Tire, fier commanditaire de l'équipe olympique canadienne. Canadian Tire, 1751 boulevard Vézina, Dolbeau-Mistassini. CanadianTire.ca, 418-276-2385. Le propriétaire Ken Bennett félicite Marianne Saint-Gelais et Cassandra Bradette pour leur participation aux Jeux olympiques de Pyeongchang. On a failli assister pour une deuxième fois à Miracle of Ice. Pour les gens qui ne savent pas c'est quoi, c'était en 1980 alors que les Américains avaient battu la Russie en demi-finale des Jeux olympiques. Il manquait que 55 secondes pour que l'Allemagne remporte l'or et batte les Russes. Et pour en parler, on rejoint un joueur en Allemagne. C'est l'ancien joueur des Remparts de Québec, Brent Aubin. Bonjour Brent. Bonjour Danny, ça va bien? Ça va bien, ça va bien. Hey Brent, dis-moi... Est-ce que c'est là l'impact, quel impact que ça a actuellement, cette participation-là en Allemagne de l'équipe nationale contre la Russie? Vous avez passé 55 secondes. J'imagine qu'on doit en entendre parler pas mal de hockey. Écoute, là, je dirais, là, depuis le match quart de finale contre la Suède, là, où ce que Patrick Reimer a compté en prolongation, là, je trouve que l'engouement là, a pris beaucoup d'ampleur là, dans les derniers jours. Puis, parce qu'il affrontait le Canada en demi-finale, là, si tout le monde a écouté le match, probablement au Canada, là, la réaction qu'ils ont eue quand ils ont remporté le match, ils ont pitché le gars comme s'ils venaient de gagner la Coupe Stanley, puis eh bien, comme s'ils venaient de gagner la médaille d'or. Ouais. Mais les commentateurs ici, là, j'écoutais ça sur la télé allemande, ils pleuraient, là, une heure, ils étaient très émotifs. Puis c'est vraiment là ce qui se passe de plus gros là, pour le hockey ici en Allemagne. Là. C'est vraiment le moment de gloire, c'est le meilleur moment de l'histoire du pays là, pour le hockey. Là. Ça, c'est aucun doute là-dessus. Mais Brent, dis-moi, est-ce que les memberships des jeunes en Allemagne, le hockey mineur, est-ce que ça joue pas mal? Oui, il y a quand même beaucoup d'équipes mineures, mais c'est pas comme au Québec, c'est pas comme dans les pays en Europe, là, comme la Finlande ou la Suède, okay. Où que le hockey est le sport numéro un. Là, ici, là, le soccer prend beaucoup de place. Là. C'est comme au Québec, là, le hockey, là, c'est le sport numéro un. Puis le monde vive que pour les Canadiens, leur équipe de hockey junior, ouais, dans leurs villes respectives. C'est vraiment le sport numéro un. Ici, c'est le soccer, mais le hockey se situe quand même très haut. C'est comme tu vois là, dans notre ligue, là, au niveau de l'assistance, là, t'as la Ligue nationale là, qui attire évidemment là, le plus de spectateurs. T'as la Suisse qui est deuxième, puis nous on est troisième dans le monde en fait d'assistance. Donc okay. C'est on bat même la Ligue de la KHL là, en fait de moyenne d'assistance. Donc c'est vraiment un sport qui, je trouve, qui prend beaucoup d'ampleur. Surtout ici le samedi est réservé pour le soccer. Fait que c'est impossible, ouais, d'avoir un match de hockey un samedi. La journée, c'est complètement de 2h, 3h l'après-midi à 9h le soir, il y a des matchs de soccer de la Ligue de l'Allemagne, de la Bundesliga. Puis fait nous, on joue tout le temps le vendredi et le dimanche. Puis Télécom ici, là, ils ont pris les rights, là, comment les droits là, de diffusion. Donc tous les matchs de chaque équipe sont diffusés ici à la télé aussi. Donc c'est vraiment une belle ligue, c'est le fun. Puis ça prend beaucoup d'ampleur. Je trouve que le hockey il se développe, puis il va encore se développer encore plus avec la performance de l'équipe aux derniers Jeux olympiques. OK. Si on parlait un peu mais le membership, tu sais pas, hein, comment il y a de jeunes qui jouent, qui pratiquent le hockey en Allemagne ou Non, pas. Okay. Je sais que chaque équipe de la première division, ils ont un programme qui commence, là, ma plus vieille, celle du milieu, là, j'ai trois filles ici, là, celle du milieu, elle joue, là, dans le programme mon équipe, c'est les Grizzlies de Wolfsburg, c'est les Young Grizzlies. Donc, okay, chaque équipe de première division en Allemagne a son programme. Le plus gros programme, là, je pense, c'est les Adler Mannheim qui l'ont. Leur équipe junior, là, est très, très forte, là, dans la ligue junior ici en Allemagne. Puis il y a aussi en Autriche, là, où j'ai joué là, mes trois premières années en Europe, là, le Red Bull de Salzburg, là, que Pierre Pagé il a comme pris sur son aile. Là, il y a une méchante belle académie d'hockey là-bas. Là, je pense que c'est la place numéro un en Europe pour les jeunes là, en 12 et 17 ans là, pour aller se développer. Là, c'est vraiment un setup de Ligue nationale. Mais c'est sûr que le hockey, là, il va continuer à évoluer et à grandir là, avec cette performance-là qu'il y a eu aux derniers Jeux olympiques. OK. Dis-moi, si on parlait un peu de qu'est-ce qui manque à l'Allemagne pour être à tout le moins rejoindre la Suisse, parce qu'on se rappelle que la Suisse n'est pas tellement loin de la Finlande, n'est pas tellement loin de la Suède, n'est pas tellement loin de ces pays-là. Même, je te dirais même, la République tchèque, ça se situe pas mal là-dedans. Ouais. Qu'est-ce qui manque? C'est-tu des entraîneurs qualifiés? C'est-tu une ligue mieux organisée? Ben là, tu as dit que c'était bien organisé, la ligue là-bas. C'est quoi qui manque, là, pour... Je dirais, c'est le hockey mineur, les jeunes. Là. Tu regardes beaucoup, là, en Suède, Finlande, les entraîneurs, là, c'est des entraîneurs, souvent, c'est des joueurs qui ont joué professionnels, c'est des joueurs, des entraîneurs qui sont très qualifiés. Puis on parle là, ils sont payés là, au Québec. On parle beaucoup du développement des jeunes au Québec. Les jeunes au niveau novice, ça tombe. Puis oui, les entraîneurs souvent c'est des bénévoles, tandis qu'en Europe c'est pas des bénévoles, c'est des entraîneurs qui sont qualifiés, qui sont à temps plein, qui ont un bon revenu. Puis la Suisse, c'est ce qu'ils font présentement. Souvent, tu regardes les entraîneurs des programmes juniors, des moins de 10 ans, moins de 12 ans. C'est souvent c'est des anciens Canadiens, des Américains. Ouais. Ils vont chercher des fois un Suédois, un ancien joueur de hockey qui a joué dans la Ligue de Suède ou qui était un étranger en Suisse. Puis je crois que l'Allemagne commence tranquillement à prendre ce modèle-là. Je sais qu'il y a Christian Dubé, un ancien qui était vraiment pas grand, lui, Christian Dubé. Il a eu des belles années juniors, il a joué c'est-tu Christian? Il est à Salzbourg présentement, il s'occupe des jeunes. C'est comme ça, c'est le développement des jeunes, les entraîneurs sont qualifiés. Il y a beaucoup d'entraîneurs. Ma petite fille, présentement, c'est sa fête demain, elle va avoir 7 ans. Là. Mais elle pratique le lundi, mercredi, jeudi et samedi. Elle a 4 pratiques par semaine. Ils ont 2 entraînements hors glace là-dessus. Donc, ça commence beaucoup là, à avoir là, il y a un entraîneur qualifié ici. Ici, on a un Russe. C'est un Russe qui s'occupe du mouvement junior des Grizzlies. Puis, eux autres, ça fonctionne bien, là, mais on va donner un coup de main une fois. À chaque semaine, il y a 2 joueurs pro à chaque semaine là, qui vont pratiquer avec les mouvements, les jeunes là, de moins de 10 ans, là, mettons. OK. Est-ce que un gars comme Uwe Krupp, parce que là, j'ai vu Marco Sturm qui est entraîneur, Uwe Krupp qui est un Allemand aussi. Il y en a quand même eu quelques-uns, là. Donc, tu l'as mentionné tout à l'heure, ils n'ont pas fait vraiment de structure encore là-dessus, mais un gars comme Uwe Krupp pourrait donner de très, très belles, de très, très belles, de bons conseils à la Fédération de hockey allemande. Oui, c'est sûr. Uwe, là, présentement, il est entraîneur à Berlin dans ma ligue. Son assistant entraîneur, c'est Clément Jaudoin. Ah, OK. Donc, Clément Jaudoin, monsieur. Clément, il est assistant avec Uwe. Puis, ça fait, je dirais, là, lui, quand il a pris sa retraite, il est devenu entraîneur-chef de l'équipe nationale, un peu comme Marco Sturm a fait présentement. OK. Puis, après ça, il était 2-3 ans à Cologne. Puis là, il était congédié. Puis là, il est engagé à Berlin. Là, Berlin, là, ils vont bien cette année. Là, ils sont en 3e position. Ils ont une bonne équipe de hockey. La plus belle arena de la Ligue, là, il y a 15 000. C'est pas mal sold out à tous les matchs. Le O2 Arena, là, c'est flambant neuf. Là, il y a vraiment un beau setup. C'est ça, comme je dis, là, Clément Jaudoin, c'est son assistant coach. Mm. Moi, je joue avec son fils Bjorn, qui représentait l'Allemagne aux Olympiques et dans mon équipe. Donc, même style de joueur, même gabarit, gros bonhomme, beaucoup de patins défensifs, mais un bon joueur de hockey. OK. Brent, si on parlait un peu du côté de... Est-ce que l'Allemagne, il y a des équipes qui jouent en KHL? Parce qu'on veut vraiment là, s'expatrier. Là, la KHL veut s'étendre. Je pense qu'il y en a en Suède, mais est-ce qu'il y en a en Allemagne aussi des équipes? Non, il n'y a pas d'équipe qui joue avec la KHL. Là. Il y avait des pourparlers là, quand je suis venu ma première année ici, j'ai été 3 ans en Autriche. Après ça, j'ai signé avec le Red Bull de Munich. Le Red Bull avait acheté une équipe à Munich. Puis c'était dans le plan de Red Bull d'avoir une équipe en KHL. Puis il parlait de s'intégrer doucement en Allemagne à Munich, puis construire une nouvelle aréna. Là, ils ont eu l'autorisation, ils vont avoir une nouvelle aréna là, d'ici 2 ans. Puis, mais Red Bull là, sont bien implantés dans la ligue. Là, ça fait 2 ans là, de suite qu'ils nous battent en finale. Là, ça fait 2 ans qu'on perd en finale. C'est eux qui nous ont battus. Donc, il y a une beau structure. Il n'y a pas encore eu là, de pourparlers pour avoir une équipe en KHL. Brent, si on parlait de toi un peu, tu es un ancien joueur de l'organisation des Leafs de Toronto. Tu as mentionné hier sur les ondes du 98.5, c'est là que j'ai su que tu étais en Allemagne, que tu avais passé proche d'être avec le Rocket de Laval. Tu gagnes très bien ta vie en Allemagne, j'imagine, au hockey. Quand est-ce que tu vas revenir au Québec? Est-ce que la Ligue nord-américaine de hockey, c'est un peu simple ce que je vais te poser là, ça pourrait être une avenue éventuellement? Écoute, c'est sûr, peut-être un jour, je sais que j'ai été repêché, là, je crois, à Rivière-du-Loup. Ouais, j'ai été repêché à Rivière-du-Loup, je crois, il y a 2 ans. Puis, c'est sûr que si un jour j'ai à revenir au Québec, là, c'est peut-être une option, là, dépendamment de l'âge que j'ai, si mon corps est encore capable de jouer. Mais l'option, là, c'est de rester dans les ligues les plus fortes que je peux évoluer. Là, j'ai un contrat de 3 ans. Mais il me reste 7 années plus 2 autres années. Là, j'ai signé un contrat de 3 ans l'année passée. Puis, c'est sûr que j'aurais aimé ça, me réessayer dans la Ligue américaine pour peut-être jouer une coupe de match dans la Ligue nationale. Mais j'ai une petite famille, j'ai 3 filles ici, ils vont à l'école, ils parlent allemand, mes 2 plus vieilles. Donc, c'est difficile de revenir de l'autre côté quand t'es bien établi ici. Puis, comment qu'on est traité, la Ligue, c'est très professionnel. On prend l'avion dans les séries. Il y a des équipes ici qui voyagent seulement en avion, les équipes à gros budget, on est bien traité. C'est vraiment une ligue nationale Allemagne. Là. C'est vraiment les matchs sont tous à la télé. On est vraiment, vraiment bien traité. Hey, Brent, dis-moi, la ligue de l'Allemagne, là, est-ce que c'est plus fort que la Ligue Magnus? Est-ce que c'est plus fort que la Ligue de la Suède? Est-ce plus fort que la Ligue de la Finlande? Oui, je dirais là, en Europe, là, la Ligue, là, c'est la KHL, là, on se le cache pas. Là, ça, c'est la deuxième meilleure là, au monde et de loin. Là. Par la suite, tu as la Suède qui est quand même les 3-4 meilleures équipes, là, c'est vraiment des bonnes machines de hockey là, qui pourraient rivaliser là, avec la vitesse de la Ligue nationale. Puis c'est des bons joueurs que souvent ils pourraient aller jouer dans la Ligue nationale, mais ils font plus d'argent en restant en Suède parce que c'est des Suédois, ils veulent pas, sont rendus à un certain âge. Donc, la Finlande, la Suisse, l'Allemagne, la République tchèque, ces 4 ligues-là, là, ça se situe là, au niveau de la Ligue américaine. Mais qu'est-ce qui est différent? C'est qu'on ne joue pas à tous les jours comme la Ligue américaine. Souvent, mettons comme le Rocket va jouer le vendredi, samedi, dimanche, 3 matchs en 3 soirs. La partie de dimanche, les gars, sont un peu plus fatigués, c'est peut-être moins physique, c'est normal que ton corps t'en demande beaucoup. Un match de hockey, ça en demande beaucoup. Nous autres, on ne joue jamais 2 matchs de suite. Donc chaque partie est importante, on joue seulement 52 matchs, donc c'est très serré, c'est des matchs de 3 points comparativement à 2 en Amérique, donc chaque partie est importante, puis ça patine beaucoup là. Ils disent que la Ligue de l'Allemagne, c'est la Ligue qui, en fait de physique, ça ressemble beaucoup à la Ligue américaine, qui est la plus physique en Europe, puis c'est sûr qu'au nombre d'importés, on a le droit à 9 importés. Donc, c'est extrêmement nord-américanisé, là, comme on peut dire. OK. En terminant, si on parlait un peu de ta saison, ça va bien? Je regardais sur HockeyDB, tu as 16 buts, ça va bien? Oui, ça va. Ça a bien été. L'année passée, là, j'ai eu vraiment une bonne saison. On a encore perdu en finale, comme j'ai dit, ça fait 2 ans. Ouais. Cette année, là, j'ai eu une petite blessure à mon œil droit, là, que j'ai perdu un pourcentage de ma vision. Là, j'ai eu des injections dans mon œil, là, ça s'en vient bien. Donc ça diminue un peu là, du côté début. Il nous reste 3 matchs à jouer dans la saison. On est en 4e position. L'équipe va très bien. Donc on devrait avoir l'avantage de la glace pour la première ronde des séries. Puis de là, espérant qu'on ne perdra pas encore en finale, qu'on va aller gagner la finale. Il me reste une question que j'avais en train d'oublier. Y a-t-il des joueurs qu'on connaît ici en Amérique du Nord qui jouent dans la Ligue de l'Allemagne? Des joueurs qui ont connu je pense que Danny Hitley a joué ou il est là, hein? Oui, Danny Hitley a joué il y a 2 ans. On a joué contre lui dans les finales. Il savait pas, ça avait été bien, mais il avait été scratch un match dans les séries. Là, son équipe l'avait pas habillé. Mais des Québécois, là, il y en a quand même plusieurs. Là. Je pense à Philippe Dupuis, qui a joué avec l'Avalanche du Colorado, Jordan Caron, qui était dans les nationales. Le chum Eugénie Bouchard, l'ancien chum Eugénie Bouchard. Oui, l'ancien chum, oui. Ouais. Puis Mathieu Carle, qui a joué quelques matchs, je pense, avec le Canadien. Oui. Défenseur droitier. L'année passée, on avait Bruno Gervais. James Shepherd, qui a joué dans son junior au Cap-Breton, qui a joué dans les nationales longtemps aussi. Okay. C'est tous des joueurs qui ont joué. Steven Dixon, qui était capitaine au Cap-Breton, a représenté le Canada 2 fois au moins de 20 ans. Il joue dans mon équipe, lui. Donc, il y a plusieurs anciens de la Ligue de hockey junior majeure du Québec aussi. OK. Ben, merci beaucoup, Brent. Très intéressant. J'ai hâte de voir les retombées de cette participation de l'Allemagne en finale du tournoi olympique. Puis on va peut-être se reparler un jour. Bon, ben parfait. Merci. L'ancien joueur des Remparts de Québec, Brent.